Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Une nouvelle capsule de vie dont la question. Et la chronique de Stéphanie Gagné. Il y en a des détails dans cette intro-là. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission avant, oui, c'est bien Assemblage requis, comme dans on assemble des morceaux ensemble. Et un de ces morceaux-là, c'est Stéphanie Gagné, et sa chronique s'appelle Ton plat favori. Pour mettre en contexte de ceux qui ne sont pas au courant des noms des chroniques, là, Ton plat favori, c'est Stéphanie Gagné. On se souvient rarement. Oui, ouais, rarement. On, t'es fin avec ton on. On a aussi Vidon la dans la question, qui aussi a des on. Vidon, la don, la question, hein? Chronique humoristique avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Aujourd'hui, une autre nouvelle capsule. On en parlera tantôt. Hein? L'émission va être chargée. Jam-pack. Comment tu dirais ça en français? Jam-pack, emballage de confiture, je pense. Tiens. Probablement, ouais. Emballage de exact. On commence l'émission avec Xavier Caffeine. La pièce d'Arwin au Vatican. Ah! Assemblage requis. Oh! Oh! Ce qu'ils ont déclenché chez le cardinal et le pape.

C'était le groupe Moussette avec la pièce Les Fauves. C'est un extrait de leur nouvel album qui s'appelle Le Club Alpin. C'est disponible depuis la semaine passée. Ça, en fait, ça a été lancé la semaine dernière. Il y a vraiment de très, très bonnes critiques pour le nouvel album du groupe Moussette. Il y a déjà une couple de pièces qui sont disponibles sur leur MySpace du nouvel album. Donc, que vous pouvez écouter tout de suite. Et j'aime bien ce que j'entends en date de Moussette. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et de Mathieu. On va retourner en musique tout de suite avec un peu de Hot Chip et un extrait de leur nouvel album. On va écouter la pièce Halley Cats tout de suite, Assemblage Requis sur le 89.1 FM. Loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie low. Wear each other's heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die low. Inside a blanket of bed, planted like the crocuses. In the song my mother said, she wanted us to sing. We sleep inside a blanket of bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Speak your destiny to, and pretty faces leave no clues. When your eyes are wide, so we'd be fools not to ride this endless chance in time. If I were you, I'd cease to lie under such fraudulent skies. I hope that you can loosen up anything that anyone has ever said is not enough. So choose to trust. Oh, choose to live or die. Lust for life, it's all been given time and time again. A name with no such fate. After all, I take the names of the friends and foes when the man who had it right was mumbo jumbo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Letters are conquered as success from the others are collecting no barriers. Those still tied strong to those who come and those who have long gone. The ripple from fathers and fighting are praying. They don't become monsters, all others have answers. Still standing are all the cures and the cancers. The fruits of leisure and the last living measures. The meantime is colliding and breaking to wake up. And seize themselves with the lull of the stake. Allowing blues to be howl, but not from the downs of your treasure turn foul. But the soul you found. On vient entendre le groupe Giant Corn avec la pièce « Cease to Lie ». Et toi-même! C'est un groupe qui vient de Yellowknife, ça, Mathieu. Ville réputée pour les cons. T'en connais-tu beaucoup, des groupes de Yellowknife? Non, j'en connais, je te dirais, attends une minute que je fasse, là, je vais compter sur mes deux mains, là, zéro. Ah, c'est assez rare quand même. Donc voilà, on vient d'en entendre un. Vous êtes toujours à l'émission « Assemblage requis » sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Et c'est jeudi. Vrai. Donc, tous les jeudis, on écoute toujours des capsules de Vidon Ladon la question. Et cette semaine, on en a des nouvelles. En fait, depuis quelques semaines, on en a des nouvelles. Aujourd'hui, on en a même plus qu'une. Oui, d'habitude, on fait des grosses capsules, des gros ramassis d'affaires de Vidon Ladon la question. Puis ça dure comme 15-20 minutes. Cette fois-ci, deux petites capsules très, très courtes de 3 minutes. On va en écouter une tout de suite. Sur quoi, déjà? Sur Big Brother, sur je Big crois. Brother? Uh-huh. Est-ce qu'il va y avoir de la slop? Mesdames, messieurs, transportons-nous chez le groupe Crossette, une boîte de communication indépendante spécialisée dans l'image publique qui propose des solutions aux agences d'artistes et aux entreprises culturelles. À cause de la job sale de Philippe Racine de chez Mirador. Va chier! Hey, Mirador, toi, voir si ça se passe de même dans la vraie vie. Ça donne une mauvaise représentation des boîtes de faiseurs d'images sérieuses, comme la nôtre. Ouais, c'est comme le personnage de Philippe Racine, ça. pas crédible. Voyez, si on est tous des gosses de riches qui ont le syndrome de Jésus, qui French Pascal Bussière, pis qui portent une coupe longueuil portoricaine pleine de gel. Hé, hey, voilà un chien, tu m'as décrit parfaitement. Oh, excuse-moi, j'avais pas pensé à toi, Résus. Et Pascal, mi amour. Qu'est-ce qu'il y a? Passez-moi ton gros peigne à pépé, il m'en va me friser le pâle. Bon, OK, passons aux choses sérieuses. TQS nous a appelés aujourd'hui, excusez, V-Télé, je veux dire, pour régler le problème des codes d'écoute décevantes de Love Story. Voyons, Big Brother, coudonc. Peut-être que ça pogne pas parce que les lofters sont... les invités, ouais, c'est ça. En tout cas, les invités dans le loft sont un petit... Voyons, pas dans le loft, dans la maison de Big Brother, sacrament! En tout cas, le problème, c'est que le monde sont lettes. Puis en plus, y a pas d'intrigue amoureuse comme y en avait dans Love Story, fait que le monde embarque pas. Puis Pascal Lévesque, qu'est-ce qu'elle ressemble à Nathalie Simard? Dans le fond, là, faudrait que Shelly prenne du poids pour que Pascal Lévesque ait l'air moins grosse à la TV. Mais voyons, si Shelly grossit, qu'est-ce qu'il va y rester? Sa personnalité? Ah, ou son grand sens de la répartie, hein? Ah, ça, c'est méchant, là! Ah, en tout cas, un des problèmes de l'émission, c'est que Big Brother, de un, il a pas une assez grosse voix, puis de deux, son français est pourri. Écoutez-moi ça, l'extrait que j'ai pogné. Si tu voudrais faire ton défi, Eric, faudrait que tu te séparerais de quelque chose que tu peux pas te passer de. Oh, ah, c'est vrai que ça fait dur, hein? Mais trouver quelqu'un qui parle bien, qui a une voix grave, vite de même... Ça a l'air niaiseux, mais moi, la seule personne qui me vient en tête, c'est France Castel. Ah, c'est vrai, il serait bon, lui, France Castel. France Castel, oui, l'homme de la situation! Eric, écoute-moi, mon beau Eric. Ma tante Big Brother, elle a un défi pour toi. Tu vas aller dans le pantry, puis tu vas manger toutes les cannes de bine. Bon, ben c'est bon, je l'appelle tout de suite. Je vais me dépêcher avant qu'elle retombe dans... Tour de la gang, deux bonnes nouvelles. La première, j'ai amené des cupcakes. La deuxième, newsflash. Guy A. Lepage se lance dans la restauration. Bon, c'est ça. Il n'y en avait pas assez de nous faire chier. À cette heure, il va nous faire manger avant. Vitons là-dedans la question. Ah non, mais là, sérieux, France Castel. Franchement. Hey, je l'ai pas écouté avant, tu sais, mais wow, là. C'est rough, hein, quand même. Il y a du pitchage là-dedans, là. Hey, non, mais sérieux, on s'attaque au physique des gens, mais où est-ce qu'on s'en va? Puis dans la question, c'est inacceptable. Mais j'étais court quand même, j'en aurais pris plus. Moi aussi, surtout sur ce sujet-là que j'aime bien. Ouais, on n'a pas la même opinion de l'émission Big Brother. J'aime ça regarder du monde dans une cage, comme des souris en train de courir après leur fromage, puis devoir mériter leur fromage en sautant dessus des obstacles, j'aime bien ça, moi. C'est mieux que Love Story où tout le monde doit coucher ensemble là, pour gagner la belle petite maison. Ouais, mais tu sais, ils couchent même pas ensemble, donc c'est vrai. Ouais. C'est trop comme un documentaire sur ta vie, ça. Mon opinion là-dessus, que je trouve, ils veulent vraiment faire différent de Love Story, mais ils engagent un ex-participant de Love Story, et puis c'est commencé par Maison Bonneville, et puis je pourrais continuer longtemps. Si vous voulez vous différencier tant que ça, vous pouvez peut-être un petit peu tasser quelques affaires. Au niveau de l'esthétique aussi, là, visuel, oui. Ça ressemble beaucoup. Ben, l'œil a été utilisé par Love Story, pareil comme en France, pareil comme toutes les versions de Big Brother dans la vie. Genre, en Afrique du Sud, c'est un œil, genre. Fait que ça. C'est juste bizarre, tu sais, qu'on ait eu Love Story avant Big Brother au Québec. Si on avait eu Big Brother avant, probablement qu'il n'y aurait probablement jamais eu de Love Story. Exactement, parce que dans le fond, la seule raison qu'on a eu Love Story, c'est parce qu'en France, ça s'appelait Love Story, puis qu'on aimait le concept qu'il y avait là-bas. Mais Love Story, à la base, vient du concept Big Brother, tu sais. Donc, les deux ont le même. C'est comme quelqu'un qui changerait de nom. Des frères jumeaux, mettons qu'il y en aurait un des deux qui déciderait de changer de nom, puis avoir une petite longueuil, tu sais. Donc finalement, on peut s'entendre pour dire que c'est pratiquement la même chose. Là. Ouais, c'est la même chose. T'sais, dans le surtout fond, récemment, Love Story était devenu un genre de Big Brother pareil depuis les dernières années. Puis il y avait de la misère aussi avec leur code d'écoute, sûrement il y avait de la misère à vendre la pub, j'imagine, à cause des codes d'écoute. Donc il fallait juste qu'ils... Dans le fond, ils voulaient faire une nouvelle saison de Love Story, mais ils étaient rendus au bout, donc ils ont changé le nom pour continuer. Je sais pas si c'est l'idée de qui, justement, de faire une nouvelle émission Big Brother en pensant que ça allait amener du monde juste parce que c'est une nouvelle émission. Si tu résumes l'émission, tu demandes à V quel est le concept de Big Brother, c'est un petit peu difficile de le dire autrement qu'exactement pareil comme Love Story, tu sais. On se comprend. Bref, en tout cas, je sais pas si l'idée d'amener une nouvelle série juste pour essayer de ramener du monde de plus, c'était une si bonne idée. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, peut-être pour la première année, là, les gens, tu vois que ça fait changement. Juste le fait que ce soit un nom différent, ça peut peut-être marcher pour la première année, mais à long terme, ça marchera pas. Les gens s'en rendent compte que c'est toute la même chose, de toute façon. Exactement. Puis en plus, j'imagine que la franchise de Big Brother doit coûter plus cher à utiliser que, le droit, que Love Story. Ouais. Sûrement. Puis la chose la plus bizarre, c'est que moi, j'ai écouté les versions américaines, britanniques et australiennes de Big Brother parce que je suis quand même un fan des versions de d'autres pays puis je trouve que c'est vraiment cool. Mais ça pour dire qu'au Royaume-Uni, c'est la dernière saison en ce moment. Ça va arrêter en 2010. C'est la dernière saison. En Australie, ça a arrêté genre l'année passée ou il y a 2 ans. Donc, le concept est sur sa fin dans la plupart des régions du monde. Bon. Sauf ici, c'est nouveau. Waouh, c'est cool. 12 ans en retard un peu, tu sais, pour comparer aux États-Unis. Bon. Voilà, il y aura une autre capsule de Vidon la drôle question tantôt, un autre tout nouveau sketch, parce que celui-là était nouveau, là. Ça a été, c'est frais, c'est fraîchement téléchargé des internets. Il va y en avoir un autre tantôt sur les burkas, donc soyez-y. On fait une pause, puis non, c'est bon. Non? On va sortir le griot, puis la sauce tomate, puis on se gâte un peu, non? Ouais, on va faire ça. OK. Pause tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Vous êtes à C'est Fou. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est Fou 89.1. Couvert Jujube et Ursuline dans Assemblage Requis, votre émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. On est ensemble jusqu'à quoi, 17h environ, là. Environ. Juste avant Malajub, on a entendu la nouvelle pièce du nouvel album de Carquois qui s'appelle Les Chemins de Verre. Vraiment, vraiment, ça pourrait pas être meilleur que ça, ça. Hein? L'album sort mardi prochain. Le lancement va avoir lieu lundi. Tu me disais que t'avais pas écouté hein, l'émission Voir hier, malheureusement. Non, puisque... moi, mon antenne, j'ai pas de bouteille ou de canette de bière dessus, donc ça peut être pas grave. Ta coupole piratée, là, marche pas. Marche pas, donc, hey, c'est fin que tu dis ça. Non, ça marche plus du tout depuis cet été, ça. Sniff, sniff. T'étais pas obligé d'ajouter des commentaires. Ben, c'est ma vie, tu sais, moi et mes tranches de vie, là, hein. Donc bref, ouais c'est ça. Un article d'ailleurs dans le journal papier Voir là, de cette semaine sur le nouvel album et sur Carquois en général, mais ouais. Un petit reportage là-dessus à l'émission Voir hier à Télé-Québec. Moi je suis juste content de pouvoir recommencer à utiliser mon célèbre jeu de mots, c'est pas n'importe quelle croix. Hein? J'aimais bien ça dans le temps, Ça, je m'en souvenais même pas. Non? Ah pourtant moi ça m'a marqué, ça. Pour vrai, tu viens de l'inventer. Là. Non, du tout. Ah non, okay, c'est vraiment du recyclage. Ah ouais. Wow. C'est vert, c'est écologique, tu sais. C'est pas n'importe quel quoi. Ça sonne même pas comme un vrai jeu de mots. Vraiment hein, pas, hein, je suis comme mal à l'aise. Et on va aller écouter un peu de Métagruau parce qu'ils vont lancer un nouvel album bientôt. Hein, c'est le 23 avril prochain. Nouvel album pour Métagruau. Il y a trois nouvelles pièces qui sont en écoute sur leur MySpace. On a scanné ça un peu tantôt. On les a écoutées rapidement. Ça a l'air vraiment très, très bon. On avait joué pas mal Tibia Sauvignon dans le palmarès, entre autres, ici à C'est Fou. Ouais. Très bonne pièce. J'aime beaucoup cette énergie-là de Métagruau. Je les avais découverts en spectacle, moi, puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. On va écouter une nouvelle pièce au hasard, comme ça, étant donné qu'on ne connaît pas trop les trois. On va écouter la pièce Corvette de Métagruau qui va se retrouver sur leur prochain album disponible le 23 avril prochain. Et tantôt, on a écouté une capsule de vidéo-annonce sur Big Brother. Peut-être que Métagruau pourrait demander à Big Brother de faire leur chanson thème, genre parce que Métagruau, dans du gruau, tu sais, du gruau dans le slop, puis tout ça, ça a un lien extrême, là. Hein? Hein? Métagruau, du gruau. On va écouter d'ailleurs une autre capsule hein, tantôt de vidéo-annonce. C'est pas bon, du gruau, hein? Hein, pour vrai, t'aimes pas le gruau? Pas ça, non. Ah, moi j'adore ça. À part ce que les petits dinosaures, quand tu mets l'eau chaude, ça fait des beaux petits. C'est comme un œuf. C'est comme un œuf que t'as dans ton gruau. Quand tu mets de l'eau chaude, ça fait des dinosaures. C'est génial. Ah, non, je connais pas. Ah, mais, oui. C'est une très bonne source de protéines ça, pour le déjeuner. De fibres aussi. Ouais. Métagruau avec la pièce Corvette à Assemblage Requis. Comme t'as les œufs. Les œufs, ils éclosent comme une allusion. Comme si c'était un vrai œuf qui avait un œuf dedans, tu sais. Trying to get back. C'était le groupe Cougarette qu'on vient d'entendre avec la pièce Barcel. Juste avant ça, on avait eu la chance d'entendre pas une, mais bien deux pièces de ben Métagruau. Oui. On vous gâte, là. Hein? Ben oui. Des cadeaux. Et puis, l'album en fait, duquel on vient d'entendre une pièce de Cougarette, l'album Milk Fangs, a été réédité la semaine dernière ou quelques jours, quelques semaines, en fait, est sorti en version vinyle avec une pièce bonus. Donc, il y a maintenant 6 pièces sur existantes, en fait, puisque c'est le seul album de Cougarette. Mais seulement en version vinyle, vous avez la version à 6 piastres. Et le groupe va être en spectacle avec Creature. Ouh. Le 9 avril prochain. Je trouve que c'est un drôle de mélange, mais très intéressant. Je sais pas si ça va plaire à tous les fans de Creature et de Cougarette, mais moi personnellement, oui. Mais j'ai des tendances bipolaires, donc. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et ambidextre aussi. Ambidextre. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec Stéphanie Gagné pour sa chronique Ton plat favori. Une autre capsule de Dans la question. Et la chronique, c'est un fait. Donc, grosse deuxième heure. Ça s'en vient juste après l'amour. Restez là. C'est fou comme faire un safari végétarien. As-tu compris que c'est fou, c'est comme faire un safari végétarien? Ouais, c'est vraiment ça, hein? Ouais. Super. J'adore ça. Je trouve ça génial. Je sais pas c'est quoi au juste faire un safari végétarien. C'est ça l'affaire, là. C'est de l'absurde. Bon. Deuxième heure d'Assemblage Requis qui débute maintenant. Et puis je dirais que ça va être sûrement très très absurde d'ici la fin de l'émission, hein? Parce qu'on va avoir plein d'absurdités. Ben oui, entre autres, une nouvelle capsule de Vidons-la dans la question, la deuxième de l'émission. En fait, si vous avez manqué le début de l'émission, c'est la deuxième. On avait un spécial 2 pour 1 aujourd'hui. Oui, pour le prix de gratuit, même que pas mal toujours. Je dirais même pour le prix de gratuisse. Gratuisse! Oui, gratuisse! Ouais, référence à une pancarte qu'on voit partout dans l'université en ce moment. Gratuisse, c'est gratuisse. Gratuit avec un S. On aime beaucoup ça. Et puis, tantôt, il y aura Stéphanie Gagné avec ton plat favori. Et une nouvelle chronique, c'est un fait où on va apprendre des choses vraiment de plus en plus ridicules. Parce que là, c'est rendu que le site, là, c'est n'importe quoi. Les faits, vous allez voir. Ça va être vraiment drôle. Pour tout de suite, on écoute Beach House avec la pièce Norway. Ils sont en spectacle lundi prochain, mais c'est complet. Si vous n'avez pas déjà vos billets, oubliez ça. Bande de cave. when you have gone to bed and I am alone inside my head, I turn on the stereo, the one only I can know. And I hear the songs that I didn't write, I hear what they sounded like. All over town, all over town, all over town. It would have made you cry. What would have fallen from your eye would have destroyed our love. And I would say, oh my God, oh my God, what was I thinking of? Every night it plays a little louder, telling me to sing a little louder, telling me I can't escape, escape. The Songs I Didn't Write du groupe Creaky Boards à Assemblage Rocky. Quick. Comme. Quick. C'est comme craquer, mais tu sais, je suis pas capable de faire un son de craquage. Peux-tu faire, peux-tu imiter une craque, toi, ouais? Genre. Non, c'est pas. Une pantoute, hein. On n'entend pas mes jointures qui craquent. Ouais, attends. Ouch, mes doigts. Ah. Quel effet sonore incroyable. Tu craques donc bien les doigts, toi. Ridicule. Il a fait ses doigts et ses orteils, c'est pour ça que ça a pris, ça a pu se faire deux fois de suite. Ouais. On va entendre quelque chose de plus drôle que nous autres, OK? On va aller écouter la deuxième capsule de Vidon Ladon la question qui parle de la burqa. Un sujet sérieux. Vidon Ladon la question. La burqa. C'est pas toujours évident de porter la burqa dans notre société. Voici le portrait de Iman, une musulmane qui tient son bout et refuse en tout temps d'enlever sa burqa. Je l'enlève jamais! Elle refuse d'enlever sa burqa quand elle joue au ballon chasseur. Et où la balloune? Aïe aïe! Quand elle va chez le dentiste. Ouais, c'est parce que là, si vous enlevez pas votre burqa, je pourrais pas vous détartrer les dents. Vous pouvez rien faire pour moi? Ben... Je peux toujours vous passer le fil de soie dentaire dans le screen. Et elle l'enlève pas plus quand elle va se faire bronzer. Oui, madame, je peux vous aider? Parce que je suis pas bronzé pantoute, là. De quoi je vais avoir l'air? Je m'en vais à beach, moi, là. Ah, c'est pour le tan. C'est parce que quand je vous ai vu venir vous faire bronzer tout habillé, je pensais que c'était pour faire sécher votre linge. Elle refuse même d'enlever sa burqa quand elle pose pour des magazines érotiques. Écoute, Iman, t'es sûr qu'on tu peux pas enlever rien qu'un ticket de choses? Genre qu'on puisse peut-être te voir les mains ou je sais pas. Ah, je pensais que par Photoshop, vous étiez capable de me déshabiller qu'on puisse me voir les boules. Et elle garde sa burqa quand elle anime son propre show de cuisine. Alors, re-bienvenue à votre émission de cuisine moyen-orientale, à la Distasio! À la Distasio! Et maintenant, mesdames, mohamed, messieurs, qu'on a terminé notre succulente taboulée, ne nous reste plus qu'à la passer au blender pour qu'on puisse la manger avec une paille au travers du screen de notre burqa. Et soyez là la semaine prochaine, parce que c'est notre spécial Ramadan. On va apprendre comment apprêter un T-bone la nuit. Bref, ce n'est pas toujours évident pour Iman de tenir son bout et de ne pas enlever sa burqa. Mais il y a des situations où Iman est avantagé par sa tenue vestimentaire. Oui, oui, c'est ça, j'ai un nid de guêpe dans le salon. Mais je me fais jamais piquer. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de sortir de la cuisine. Et en plus, Iman peut vivre son rock'n'roll pleinement. Le monde le savent pas, là, mais j'ai Guns N' Roses tatoué en arabe dans le front. C'était le portrait de Iman, une musulmane. Non, pas He-Man, il dit Iman. Tu veux de la Iman? T'es un peu m'appeler mon dealer. Non, pas de la I, maudit junkie. Iman! Non, attends. Vas-y doucement, c'est ma première fois. Pas Iman, Iman! Ah, pis manger dans tout de la I. Vidons là-dedans la question. Wow! Wow! Y'a rien à dire de wow! Aïe, aïe! Un peu plus style François Pérus, je trouve, que, ouais, que ce qu'on connaissait avant des Vidons là-dedans la question, mais tellement trash, celle-là, c'est je trouve. C'est incrédiblement trash, ça, ça a même... Ah, la Distasio, wow! OK. Donc, c'est une nouvelle capsule de Vidéo d'autres questions. À tous les jeudis pour le reste de la session, au moins, on va avoir des nouvelles capsules comme ça qui vont s'intégrer dans l'assemblage requis tous les jeudis vers les... peu importe l'heure dans l'émission, entre 15h et 17h. Là, est-ce que t'as des nouvelles, les gars? Là? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi y a du nouveau matériel comme ça qui a surgi soudainement? Ben non, c'est ça. Sur leur Facebook, ils n'arrêtent pas de mettre des nouveaux sketchs de temps en temps qui jouent à différentes radios. Là, les sketchs des Olympiques qu'on avait joué il y a quelques semaines, c'était Radio-Canada. Donc, ils ont pas mal de faire des sketchs pour Radio-Canada une fois de temps en temps quand ils peuvent à des émissions différentes. Ils n'ont pas de poste fixe en ce moment, à ce que je sache. Cool. Ouais. Mais au moins, ils font du nouveau matériel. On est très heureux d'entendre ça. Ouais, puis on continue de les suivre de toute façon et de rediffuser des centaines de fois tout ce qu'ils vont faire. C'est ça. Mais là, on rappelle que depuis le début du mois de mars, on n'a pas diffusé une seule vieille affaire vraiment vieille. Oui, c'est vrai. Et je tiens aussi à rappeler que la capsule qu'on vient d'entendre, c'est, je crois, ta préférée de tous les temps. Oui, j'ai oublié de le dire. C'est ma préférée de tous les temps, tout à fait. Moi, je la trouve... Wow! À la Distasio, ça. Wow. Quand même polyvalente, hein? Iman. Iman. Fait beaucoup de choses. Hein? Fait de la cuisine, de la télé, du porno, vraiment beaucoup de choses. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle est polyglotte. Polyglotte? Ouais. On va retourner en musique tout de suite. Stéphanie Gagné s'en vient dans une dizaine de minutes environ pour sa chronique Ton plat favori. On sait pas de quoi elle va parler aujourd'hui. Non, on sait pas, mais le prix sera aussi gratuit. Pour l'instant, on va aller écouter une pièce de Fiery Furnaces? Fiery Furnaces? Fiery Furnaces. Fiery Furnaces? On va écouter la pièce Single Again tout de suite à l'émission Assemblage requis. C'est Single Again, faut dire. Single Again. Ah oui, excuse. Non. Totally set.

surprise. Vanessa Parietta avec la version en direct à Assemblage Requis de la pièce Exil. Et c'est sur les ondes d'Assemblage Requis, évidemment. Donc, c'est comme... pas live là, là, mais c'était live dans le temps quand ils l'ont fait live, là. C'est une version live, bref. C'est ça, mais c'est important de dire à Assemblage Requis. Ouais, c'est vrai. Et avant ça, c'était Fiery Furnaces avec une version live aussi de Single Again. Très différente de la vraie version, hein. C'est pas aussi... comment dire, là? Bon. Bon. Une façon de le dire. On écoutera à un moment donné la vraie version. Vous allez voir que c'est pas mal meilleur en CD, t'sais. Bon. Kiwan? Oui? Toi, je sais que t'aimes les choses qui sont véritables. Si t'aimes ça pouvoir dire « Ah, je savais pas » et « Ah, c'est vraiment vrai, ça? » Ouais, mais en même temps, tu sais que je suis un grand sceptique. Moi aussi, et c'est pour ça que la collecte C'est un fait existe, parce que sur les internets, on peut trouver plusieurs faits, et twitter.com/omgfact, c'est une très bonne place pour trouver des faits divers. Et vous allez voir que cette semaine, c'est particulièrement n'importe quoi. On dirait qu'on tire un petit peu la couverture de son sur le dos d'un... Tu sais? Ouais, hein? Ouais, mm-hmm. Bon. Donc, savais-tu que à New York, la pénalité, tu sais, genre, tu sais, pas la contravention, mais la pénalité, là, quand on saute d'une bâtisse, dans une bâtisse, imagine, c'est quoi? C'est la mort. Ça, c'est un fait, tu sais. C'est un fait, oui. On peut pas dire que c'est pas un fait. Mais si on survit, si la personne survit à avoir sauté en bas d'une bâtisse... Y'a-tu une loi qui dit que c'est la peine de mort? Ben, sûrement qu'on tire la main, puis on passe aux nouvelles, on donne la médaille de bravoure, là. Sûrement. Non, hein, bref, c'est n'importe quoi comme n'importe fait. Quoi. L'ithyphallophobie, est-ce que tu sais ce que c'est, l'ithyphallophobie? Le pénis de E.T., non, quelque chose de genre, non? E.T., phallus, je sais pas, non. La peur des pénis extraterrestres, sûrement, c'est non? C'est ça, pour vrai? Non, hein? Du tout, non. mais ça a un certain lien, oui, avec un des deux, en tout cas. C'est la peur morbide de voir, de penser à, ou encore d'avoir un pénis en érection. Donc, soit tu l'as, soit t'as peur de le voir, de penser à ça, ou d'en avoir un. OK. Pénis en érection. L'ithyphallophobie. Pour l'instant. Wow. Dans l'espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer comme il faut parce qu'il n'y a pas de gravité, évidemment, donc les larmes montent dans leurs cheveux à la place de descendre sur leur figure. Hein? Je pense qu'ils ont comme pris des choses évidentes de la vie, puis on traduit ça comme en fait. En même temps, si tu prouvais là, tu sais, que les larmes ils montent, il n'y en a pas de gravité. Tu sais, est-ce qu'ils sortent seulement, tu sais, parce que déjà pour être extrait de l'œil, j'imagine que ça prend un minimum de gravité. Tu vois, c'est un très bon point, ça, je trouve. Peut-être qu'il reste en dedans des peut-être yeux. Peut-être qu'il pleure par l'intérieur et ça sort par les pores de la peau. On ne sait pas. La malaria. La maladie, la malaria. Tue 1 million d'enfants par année. C'est évidemment très, très triste. Mais ça dit, sur le site, okay, que c'est l'équivalent d'un jet jumbo rempli d'enfants qui ferait un crash à chaque 4 heures. C'est une excellente comparaison, je trouve, de comparer 1 million d'enfants qui meurent de la malaria à un avion jumbo jet rempli d'enfants. Ouais. Là, finalement, on pourrait aussi en faire tout plein d'équivalences comme ça. Ouais. Tu sais, je trouve que dans le fond, tu sais, le but de ce fait-là, c'est juste de prendre une équivalence, de faire, de compter combien rentre, tu sais, combien de clowns qui rentrent dans une voiture minuscule. C'est ça, mais ouais. Tu sais, dans le fond, on aurait pu prendre d'autres choses de moins tristes que des enfants qui meurent de la malaria, tant que juste vouloir faire une équivalence ridicule entre. Parce que là, on pourrait prendre, c'est l'équivalent aussi de, tu sais, je sais pas, 250 000 Ford Escort qui se crachent dans un banc de neige, tu sais. Mais ouais. Tu comprends qu'on peut prendre n'importe quoi, là, puis faire une équivalence pareille, mais... Ouais. C'est ce qu'ils font. Bon, mais prendre les enfants qui meurent de malaria, je trouve que c'est de mauvais goût. Tout à fait. Savais-tu que le mot gymnase vient du mot grec gymnasen, qui veut dire faire de l'exercice nu? Ah. Ah. D'accord. Ton grec est bon, par exemple. Merci. Merci. Sais-tu les bonbons Lifesaver? Tu veux les Lifesaver avec un trou dedans? Bon, hein? C'est comme un bang, mais en plus petit, puis qui goûte le bonbon et non pas le bang. Là. Ça n'a absolument rien à voir, bref. Rien à voir. Donc, les bonbons Lifesaver ont été produits par un fabricant de chocolat pour compenser pour les mauvaises ventes de chocolat pendant l'été. L'été, il ne se vend pas autant de chocolat, donc à la place, tu suces un Lifesaver. Mais ça, tu vois, ça, c'est un fait que je trouve très véridique, mais en même temps, très ennuyant. Tellement, hein? On a vraiment rien à foutre. Ouais. Incroyable. Les femmes clignent des yeux deux fois plus que les hommes. Et étrangement, les lesbiennes, d'accord, clignent plus doucement que les femmes hétérosexuelles. Hein? C'est super intéressant, super intéressant. Ça nous dit dans l'article qui continue ici. Et voilà. Ça dit que cligner est un réflexe qui est démarré, hein, ou enclenché lors d'un bruit soudain. Les études montrent que les femmes réagissent plus rapidement que les hommes à ces bruits soudains et clignent des fois clignent des yeux deux fois plus fort et deux fois plus souvent aussi que les hommes. Et quelque chose d'autre, donc ça dit que les... on était rendu sur ça, c'est ça, ok. Que les femmes lesbiennes, d'accord, clignent des yeux moins sévèrement que les femmes hétérosexuelles et les hommes gays vont cligner plus fortement que les hommes hétérosexuels. Ça n'a vraiment aucun sens. Okay. Vu que le clignement des yeux est un réflexe et que ce n'est pas acquis, c'est donc inné, certains disent que le taux de clignotement des yeux peut déterminer si tu vas plus tard, waouh, être homosexuel ou hétérosexuel. Non, celui-là, là, non. Je trouve ça n'a aucun sens. En tout cas. Ok, bouche bée, là, parce que c'est wow, ridicule. Si tu regardes le soleil tout de suite, regarde le soleil, Kiwan. Techniquement, mes yeux. Techniquement, tu voyages dans le temps. Parce que ça prend 8 minutes pour que la lumière du soleil atterrisse sur la Terre. Quand tu embrasses quelqu'un pour une minute, Kiwan, tu brûles 2,6 calories. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu ne peux pas, tu sais quand tu fais, tu sais quand tu chantes une chanson, comme ça avec ta bouche, là, tu peux pas faire ça si tu bouges ton nez. Comme ta bouche là quand même, ouais. Quand tu as fermé ta bouche à la fin, là, tu pouvais pas le faire. Mais tu pourras pas y aller sur la bonne note de la chanson. Tu vas pouvoir faire un certain bruit, mais c'est juste affreux à la radio surtout. Là. Ouais, j'avoue. En 1972, pour empêcher les gens de fumer, ils ont déposé un brevet, d'accord, pour un paquet de cigarettes qui toussait lors de l'ouverture du paquet. Nouvel paquet et... c'est chic, hein? Ouais, c'est bon, ça devrait exister encore. Ben oui, la technologie est rendue que ça pourrait se faire. C'est avec une petite pile de rien du tout qui durerait bien plus longtemps que le paquet, ça. Mmh. C'est super bon pour l'environnement. Qui crache aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou ça viendrait avec vraiment un restant de mucus, ça. Ouais, c'est ça. Dans le paquet, tout ça, puis c'est comme ça fait. Puis là, tu vois qu'il y a de la mort dedans. Ouais. Ouais. Un peu comme toi, aujourd'hui, t'es grippé. Là, merci, toi. Ouais. Comme des patates dans le nez. T'aimes ça hein, que je prenne toute la chanson qui vient de jouer pour me moucher devant toi? Ouais. On a une belle relation, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Et finalement, là, j'arrête après cela. Ouais, parce que c'est vraiment pénible. C'est pénible, je sais. C'est impossible de se suicider en retenant son souffle. Ah ouais, c'est prouvé ça. C'est prouvé. Ça dit qu'éventuellement tu vas voir. Essayer, tu sais. Ouais, ben c'est là. Moi, en tout cas, en écoutant cette chronique-là, ce serait mon premier réflexe. Hein. Ça dit que c'est qu'éventuellement, si tu retiens ton souffle, éventuellement tu vas avoir un réflexe là, de genre de. C'est comme ton cerveau qui va absolument pas accepter ça. Bon, il va commencer à. Ouais. Imagine quoi, tu perds conscience, mais ça se peut, ça, perdre conscience en, ouais, en jouant à ça. Non? C'est ça, c'est que même si tu réussis à passer par-dessus ce réflexe-là, éventuellement, tu vas complètement perdre connaissance à cause du manque d'oxygène à ton cerveau. Mais après ça, ta bouche, par nature complète, va s'ouvrir et tes poumons vont commencer, même sans que tu le veuilles, là, à fonctionner. Ils vont recommencer à fonctionner. Ouais. Bon, mais ça fera au moins une bonne nouvelle. Au moins un fait qu'on sait que c'est vrai. Hein? Ouais, j'aime ça, moi, voir si c'est des vrais faits ou pas. T'sais. Qui ment là-dedans? On saura jamais si c'est un vrai fait ou pas. Là. Jamais. Donc, quand même on peut avoir des bons doutes, je te dirais quand même. Sur certains, oui. Sauter en bas d'une bâtisse te garantit la mort. Qui aurait cru ça, tu sais? Je sais pas. Le pape, son argent. Donc, voilà. Moi, j'en ai un fait quand même qui est quand même indéniable. Qu'on devrait aller en pause. On devrait surtout toujours lire les faits avant de les faire. Je les ai tous lus. Ouais, pour vrai. Je les ai choisis parce que j'ai trouvé absurde. Ah ouais, t'as vraiment pris le meilleur, là, dans le fond. Non, j'ai pris seulement ceux que moi je trouvais soit plus drôle ou le plus impossible à être d'être vrai. Ça. Parfait. Donc, on va aller en pause tout de suite. Et quand on va revenir, là, après la pause... Il n'y aura pas d'autres faits. Il n'y aura pas d'autres faits. Et on sera plus seul. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. C'est un fait, vous écoutez bien Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu, et ça continue pour une bonne petite 25N de minutes. Et pour la fin de l'émission, on va être accompagné de Stéphanie Gagné, comme à tous les jeudis, qui est là pour sa chronique Ton plat favori. Salut. Ah, elle est occupée. Bon, allô? On y reviendra. C'était complètement raté. D'habitude, ils jouent le thème avant. C'est pour ça que j'étais toute confuse. Mais on voulait comme que tu puisses écouter le thème avec nous, comme vraiment... Je t'écoute pareil, je fais juste pas parler avant, tu sais. Ah! Je connais pas ça, moi, ces techniques-là. C'est hétéroclite. Donc, bienvenue Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». Ben, en fait, ta chronique, elle t'appartient. Ben oui. Elle t'appartient. Et tu nous parles de tes coups de cœur artistiques, culturels, peu importe dans quel domaine, musique, film ou... C'est pas mal souvent musique. Bande dessinée. Ouais, c'est souvent bande dessinée. Non, je suis pas du genre bande dessinée, ben. Tu te parles d'animaux, des fois? Non. D'outils Black & Decker? Non, mais je pourrais, si tu veux. OK. De dessert, comme mettons du pudding Schumer? Ah, je pourrais. Hier, je me suis fait un dessert très, très bon. Cool. C'était quoi? Du riz avec du lait de coco comme et des bananes. Non? Ben, c'est meilleur. Meilleur que du tapioca? Oui, je te le dis, c'est super bon. J'aime pas vraiment le tapioca. Ah! Mais non, mon dessert est débile. Cool. Super easy. Cool, fait que tu nous en amènes la semaine prochaine. C'est réglé, merci. J'aurais pu l'amener aujourd'hui, ça, il m'en restait en plus. J'en ai plein dans mon frigo. Dans ton frigo. Tu penses même pas à nous autres pendant la semaine. T'arrives là, puis le jeudi, là, tu penses à nous autres, mais sinon, le reste du c'est temps. C'est même pas vrai. Mais je vous ai écrit à peu près 3 fois cette semaine. Ouais, c'est vrai. Bon, je vous ai parlé toute la semaine. J'ai écœuré Kiwan toute la semaine pour un spectacle. Okay. Toi, je t'ai écœuré pour les canevas, puis la musique. CD, puis tout. Ouais, ben oui. Ben oui. Mais tu nous achales pas, du tout. Ben tant mieux. Bon. Hein, on est là, tout comme des amis à se parler pendant super longtemps de ça. Moi, j'ai rien dit en tout. Non. Ben, tu peux dire que tu vas venir au spectacle, par exemple. On verra. À t'as invité pour aller voir Los Campesinos. Oui, c'est ça? À toi, Laval. Vas-tu y aller, toi, Mathieu, à Laval, le 18 avril prochain pour aller voir Los Campesinos? C'est une idée. C'est assez loin pour que je puisse faire comme dans ma vie d'habitude, juste dire oui quand c'est super loin. Puis là, quand j'arrive, là, c'est comme, oh, wow, ça sent bien. Oh là, est-ce que je vais pouvoir y aller? Puis ouais. Ouais, c'est pour ça que je l'ai demandé à Kiwan à la place. Ouais, ça commence à te connaître. Là, c'est on sait, je... on parle jamais de. De. Mais c'est une réputation de. De. Ouais. On va y aller avec la chronique, hein? C'est ça. Ah, si tu veux, là, ouais. Voilà une couple de semaines, mais dans mes premières chroniques, j'en avais fait une très aimée de vous des années 80. Ah, ben oui, c'était kitsch au bout. Ben oui, mais là, j'en fais une des années 50. Ah, ben, c'est loin, pas vraiment, c'est pas la musique des années 50, mais ça fait penser aux années 50. Quand t'étais jeune, là. Ouais, moins, même ma mère était pas née, tu sais. C'est très vieux. Mais c'est ça, j'ai choisi deux groupes assez hollywoodiens, avec une star dans chaque groupe. Et le premier, c'est Ryan Gosling, qui est dans Dead Man's Bones, qui a été au palmarès, si je me trompe pas. Oui, deux pièces même. Moi, j'avais pas aimé l'album du tout, puis cette semaine, ben, je suis tombée sur une des chansons, puis j'ai comme fait « Ah, finalement, elle est bonne ». Ouais, ben c'est super bon. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est rentré, il y a eu deux pièces dans le palmarès, comme je te disais, et les deux ont incroyablement floppé. Flop total, genre. Total. Ouais. 0 fois dans la semaine, genre. Mon Dieu. Proche. Mais bon, c'est super bon, mais personne n'a fait c'est bon, ça. Mais c'est pas très, très accessible. Là, quand t'écoutes juste la première chanson, c'est comme une mauvaise cassette d'Halloween que tu mets, genre. Tout à fait. Oui, ça a l'air épeurant. C'est comme des petits-enfants qui chantent de façon super lugubre. Ouais, c'est ça. C'est... Est-ce que l'album est vraiment conceptuel Halloween? Ouais, c'est vraiment un gros concept Halloween. Là. OK. Mais cette chanson-là, je l'ai bien aimée parce qu'il y a une voix un peu crooner. Là. Ouais. Fait que c'est cet aspect-là qui me fait penser un peu à années 50, pas l'aspect Halloween et... lugubre. Non, c'est ça. L'ambiance est juste vraiment... Bizarre. Bizarre, mais super typique. Là. C'est cool. Ouais, c'est spécial. Ouais. Je trouve ça bizarre, il y a un petit gars avec une moustache sur la pochette, mais c'est ça, c'est déguisement d'Halloween. Ils sont tous déguisés sur la pochette. Mmh. Ouais, c'est vraiment une grosse thématique. L'album était sorti une semaine avant l'Halloween, je pense. Le Monkey One, son œil s'attire toujours sur un petit gars avec une moustache. Là. Ben, je pensais que c'était un enfant moustachu, mais non. Il a même pas ses lunettes pour fitter avec lui qui regarde un petit enfant moustachu. Alors, faire les insultes. Hein? Bon, alors la pièce, c'est In the Room Where You Sleep, featuring le Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir. C'est les petits-enfants qui chantent ça. Tu parles bien. C'était une des pièces qui était sur le palmarès en passant. Ah, pour vrai? Ben, cool. On va voir si c'est encore un flop. Tu l'écoutes souvent, le palmarès, Stéphanie? Ouais, j'ai des fans ici. Moi, je m'occupe de petits-enfants le vendredi pendant le palmarès. Tu l'écoutes vraiment souvent parce que c'est pas le vendredi. C'est rendu une reprise le vendredi soir. Ah! Oh. C'est pas grave. Bon, mais vous voyez? On te pardonne, comme punition, tu viendras animer Palmarès à ma place à un moment donné. Non! Non! Hey, faut reparler de Palmarès tantôt, je t'en. Mais là, on va écouter la toune, puis après ça, je vais te reparler de Palmarès. OK, t'es fine. I saw something sitting on your bed. I saw something touching your head. In the room where you sleep, in the room where you sleep, where you sleep. C'est on va finir ça là, hein, malgré le 40 secondes qui restent. Les pièces que j'ai entendues à date finissent tous avec... toutes, même. Avec un long, long... C'est ça qui te met dans l'ambiance, tu sais. Ouais. Entre les pièces. C'est bizarre comme album. Ouais. Moi, c'est pas un album que je m'achèterais, là. Mais cette chanson-là, je l'aimais bien. Ouais. Puis on l'a assez fou, fait que... Voilà, fait que ça marchait bien. C'est ça, ben oui. C'est bien fait, un peu. Alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas là entre les deux chansons, pendant la chanson plutôt, j'ai dit à Mathieu comment il était talentueux. OK. Pour les gens qui n'étaient pas là pendant la chanson, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient là. Qui n'étaient pas en studio. OK, donc c'est-à-dire autre que toi, moi et Key One. C'est ça. Donc, tout le monde. Ah, OK. Je voulais juste dire à tout le monde que comment t'es bon, Mathieu. Ah, ouais. De la part de Jackie Pop, pas de moi. Ah, merci. Merci, Jack. On a quoi? Il faut mettre en contexte les gens un petit peu. T'étais au Mardi de la Relève parce que t'es juge là. Oui. Et un des autres juges était Jackie Pop de Radio Énergie. Hein? Et puis, Jack a co-animé les Palmarès avec moi pendant genre, je pense, 4-5 ans. Donc, on se connaît. Puis, tu l'as rencontré. Tu avais parlé de moi parce que c'est un sujet tellement intéressant. Ben oui, c'est le centre de l'univers. C'est ça, le noyau, si on veut. Ouais. Puis, au Mardi de la Relève, finalement, est-ce que vous avez fait jouer une chanson? Non? Deux. Pas regarder ton Facebook aujourd'hui, Mathieu. Non. Ou Kiwan, je l'ai laissé sur celui sur le Facebook d'Assemblage Rocky. Le groupe qui a gagné, c'est Pif Paf Hangover, un groupe de Saint-Jérôme, et c'était vraiment bon. Le genre de groupe qui va se rendre probablement loin dans les Mardis de la Relève. Okay. Puis je t'ai laissé le lien du MySpace parce que j'avais déjà ma thématique pour ma chronique. Fait que je pouvais pas en faire jouer. Puis tu sais, si j'en fais jouer la semaine prochaine, mais tu sais, c'est passé, ça a plus le même impact. Fait que je vous avais laissé le lien pour si jamais vous vouliez en faire jouer. On va s'arranger, je pense. On va en faire jouer tantôt, là. Oui. Ah, si vous voulez, c'est ça. Pif Paf Hangover, super bon, un groupe de Saint-Jérôme, là. C'est avec des synthétiseurs, puis rock un peu, puis c'est bien, bien bon. Cool. Ouais. Donc, c'est eux qui ont gagné, et les autres groupes... Les autres groupes, c'était un peu plus rock. Ouais, faut dire gagner la ronde de cette semaine. Oui, le quart de finale. Oui. Oh. Quart de finale. On l'a dit en même temps, petit doigt, non? Non. On est supposé faire. C'est quoi la... Ben, nous autres, à l'école anglaise, on disait jinx. Puis là, la personne qui se faisait jinxer pouvait pas parler jusqu'à temps qu'on dise son nom. Ah, c'est ça. Fait que là, je dis jinx. Fait que là, Mathieu peut pas parler. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que je vais poursuivre avec le deuxième groupe. C'est un groupe qui. OK, Mathieu Plante. Ah, quoi? Non, j'ai parlé. Mais j'ai dit ton nom pour que tu puisses parler. Ah. Tu t'as vraiment pas longtemps sans entendre la voix de Mathieu Plante? Ah, je peux pas m'en passer. À peu près 8 secondes. C'est ça. C'est comme ça pour la plupart des gens. Je dirais que la moyenne est 7,5 secondes sans Mathieu Plante. Mais moi, c'est le contraire. Je trouve que c'est après 7,5 secondes que tu parles. C'est là que je me tanne un peu. Il y a tellement d'amour dans cette émission-là. Hein? Oui. Donc, j'ai de la bizarre à parler, tu sais. Le deuxième groupe que j'ai choisi, c'est She and Him, qui ont sorti un nouvel album cette semaine, Volume 2. J'avais acheté le premier album il y a quelques semaines. Ça s'appelait, devinons, Volume 1. Exactement. Ah, je l'avais acheté après avoir vu le film 500 Days of Summer, qui était le sujet de ma première chronique, si vous vous rappelez. Oui. Film débile. Alors, j'avais acheté le premier album, qui était un petit peu, qui virait un peu sur le country, des fois Motown un peu, là, comme je cite le voir de cette semaine. Mais le deuxième album est vraiment, vraiment meilleur que le premier. D'habitude, c'est le contraire. D'habitude, après un premier album, le deuxième est un petit peu moins bon. Comme les Shrek. Ouais, c'est ça. Comme les petits pieds. Ton pied gauche est meilleur que le pied droit, non? Non, ouais. Les films petits pieds avec les dinosaures. Ah, non, je sais pas. Ah, ça manque à votre culture. Qu'est-ce que tu demandes pas à la culture? Il y a comme eu 12 petits pieds. Ouais. Donc, 6 personnes. Si ça passait-tu à Ciné-Cadeau, ça, genre, à Télé-Québec? Je sais pas. Ah. J'allais les louer, moi. Pour ça, je l'ai pas vu. J'écoute juste Ciné-Cadeau. Ouais. Alors, la pièce est une nouvelle pièce du nouvel album Volume 2. C'est la pièce In the Sun. C'est super accrocheur. La voix de Zooey Deschanel est vraiment assez particulière, assez unique. C'est super léger, mais c'est vraiment bon. C'est genre une genre de chanson que j'écouterais... Je sais pas, sur l'autoroute, sur le bord de la beach, en plein été, avec un petit pique-nique. Ouais. Le son global de l'album a changé beaucoup, hein, comparé au premier. Oui, c'est plus vraiment country, c'est vraiment plus pop de l'été, mais avec un petit feeling années 50 encore. Mais sa voix, c'est sûr que ça fait années 50 pas mal. Ouais. Mais c'est vraiment bon. J'aime bien. Alors, on va écouter la pièce In the Sun de She and Him à ton plat favori. Changez pas de canal ou de channel. Channel. Comme canal, comme une télécommande. Vous avez compris juste avec si tu la comprends. Là. Well, alright. Chronique, ton plat favori à l'émission Assemblage requis avec Mathieu, Kiwan et moi-même, Stéphanie. D'autres mots, capsule, bloc, chronique, segment, portion, morceau. On pourrait dire que c'est un épisode. Ah, épisode! Ben oui, j'aime ça. Oui. Jusque-là, j'étais pour dire que c'était tous des adjectifs qui pouvaient aussi s'appliquer à ce que Mathieu faisait juste avant d'entrer en ligne. Oh, come on! Ça aurait pu être subtil. Ouais. Comme la fois qu'Iwan s'était penché pour éternuer puis que je l'ai dit en onde. Oui, mais on aime ça, c'est du behind the scenes. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, je pourrais dire, si je voulais vraiment aller dans les détails, que le papier de toilette des toilettes, hein, sérieux. Vraiment pas confortable sérieux. Pour le nez, hein? Une épaisseur. Pour rien du tout, ouais. Hein? Oui. Une demi-épaisseur, soyons pas trop généreux en plus. Bref, Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori qui continue et qui a des choix musicaux vraiment très très bons aujourd'hui, comme toujours. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je sais pas. Ben, j'avais plein d'autres choses à dire, mais là, ça ferait trop un. Ça ferait en vrac pas mal. OK. Allez voir Mister Valère sur Voir, sur le site de Voir de Télé-Québec. À l'émission de Télé-Voir, là. Oui, à l'émission de Télé-Voir. Ils ont été en prestation il y a. Celui de la semaine passée, pas celui d'hier, mais la semaine passée. Hier, c'était la finale. Ouais, c'était la dernière. J'étais vraiment déçu. Il me semble qu'il est tôt pour finir une saison. Ouais, c'est bizarre. Hein? C'est très de bonheur en mars. Je suis vraiment triste. Je trouve que les saisons ou sessions, disons, ici, finissent tôt à la radio quand on finit à fin avril. Ouais, 23 avril, je crois. Fin mars, pour l'émission Voir, c'est tôt. Ouais, je trouve ça très tôt. Surtout que, tu sais, là, il commence à avoir des bons albums qui sortent. Là. Ouais. Il y a comme une période morte. Tu sais, on n'a pas choisi la bonne période. S'il voulait faire une série aussi courte, il aurait pu la mettre un petit peu plus tard, la commencer plus tard. Ouais. Bien d'accord. Mais le journal va continuer quand même, mais l'émission va-t-elle revenir? Ouais, c'est ça. Avec Télé-Québec, une saison, d'habitude, c'est comme gros, là, ça. Mais moi, j'aimerais ça. Je sais pas si vous l'avez pas mal écouté. Moi, je l'ai. J'essayais, mais j'ai un cours le mercredi, fait que j'essaie de la reprendre, d'apprendre en reprise. Là. Mais j'ai vraiment aimé cette émission-là. C'est sûr que c'est très acteur, un peu, là, je trouve, là. Tu sais, il arrive, puis tout à coup, il est avec sa guitare, puis il se met à chanter par pur hasard, là. Est-ce qu'il faut encore le tour de table, genre, des gens dans les bureaux? Là, ouais, ça, c'est un petit peu fatigant, là, cette mise en scène-là. Mais ça je veux dire, moi, c'est surtout pour la chronique de musique, évidemment. Moi, le théâtre puis le cinéma, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Mais la partie... Ouais, c'est ça. Je l'écoutais, mais pas autant. Mais la partie musique, je trouve ça super intéressant, ce qu'apportait Olivier, si je me trompe pas. Olivier Robillard, Lavaux, Lavaux, Robillard. Je pense que c'est ça. C'est ça. Proche, j'imagine. Il a été écrit, celui-là. L'Aïa Robivo. Je ne sais pas s'il est écrit, vu que celui-là, c'est celui de la Mauricie. Non, mais quand même des articles de Montréal, là, j'imagine. Tu peux regarder celui de Carquois. Mais là, c'est parce que je vais prendre mon temps. C'est un peu long. Ça vous dérange pas, je vais commencer par la première page. Okay, lis-le en même temps. Ben, c'est ça que je fais, là. Alors, on pourrait avoir une version radio de voir, on pourrait s'associer avec eux autres, puis lire le journal en nom. Intéressant. Olivier Robillard-Lavaux. Lavaux? D'accord. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. C'est Il y a eu beaucoup de silence dans cette chronique-là, je trouve, aujourd'hui. Ouais, pas mal, hein? C'est bien. J'aurais pu trouver autre chose à dire, je sais pas. Avez-vous vu le nouveau clip de Lady Gaga? Téléphone! J'ai compté 7 produits placés dans ce clip. Ah ouais. J'en ai compté juste 7, puis j'ai pas... Tu les cherchais pas, là? Non, j'en ai juste vu 7. Il y a genre Coors Light, Mayo, Wonder, le pain. Une compagnie de pain qui annonce dans un vidéoclip à l'eau. Ouais. Tout le monde achète du pain pareil. Ben, Coke, je l'ai-tu mentionné? Coke, elle a des trucs de Coke dans ses cheveux. Ah, c'était épouvantable. C'est vraiment pas plaisant. On peut finir la chronique, là, hein? Tous des produits qui sont maintenant placés dans l'émission aussi. Ici, ben ouais, parce que tu les as nommés, là, voyons. Ouais, mais Wonder... Marketing, on n'en a pas ici, je pense. Ben, je sais pas, mais tu sais... Coke. Si on en parle, il faudrait qu'on en soit des caisses, là. Hein? Ce serait fun. Très bien, hein, ouais. Je suis tellement fanatique de Coke Diet, je vivrais pas sans. On fait-tu avec un dernier silence? Ça, c'est vraiment silencieux. Ben, le silence, en fait, il n'y a pas de degré de silence, en fait. Hein. C'est, non, c'est mais un absolu, je pense. C'est comme... Non, moi, je mouillé, dis que ça, c'était pas... plus silencieux. Pardon la musique, s'il vous plaît. J'aime pas ça. Continue. Ah, là! Bon, ben, c'est la fin d'assemblage, Ricky. On dirait merci, Stéphanie Gagné. Ben, de rien. Donc, ton émission, une pabèche en mission, s'en vient. Okay. Je l'ai déjà dit comme faux. Qu'est-ce que tu dis? Une pabèche en mission. Mon Dieu! Il essaye même plus de dire que c'est pas correct. Ouais. Je suis toute contente. Non, vous me croyez pas hein, quand je vous disais que je prends vraiment un guest et je m'en rappelle jamais à chaque mais semaine. Mais ton guest tombait tout le temps sur la ben, à chaque semaine. Plus de cette semaine, non. On voit que c'est pas une sur six, un sur deux, hein? Finalement, c'était comme 4 fois sur 5. C'est le hasard. Donc, quoi, qu'est-ce qui se passe de bon dans ton émission aujourd'hui? C'est une émission vraiment, vraiment, vraiment chargée. Julian Casablancas, Dandy Warhols, Kazabian, Dumas, Carquois. On va parler un peu du prochain album qui s'en vient. She and Him, qu'on vient d'entendre. Je vais en parler du nouvel album. Aussi, le nouvel album de Rufus Wainwright. Et une tonne de spectacles qui s'en viennent avec le printemps arrive de bons spectacles. Mmh, toujours une bonne saison pour les albums, les spectacles, ouais. Pour la musique en général. Le sucre aussi, dans des sucres. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je vais à Cavalier de sucre, fait ça. Wow! Excellent pour la régularité. Là. Oui, je pense une belle émission, Stéphanie. Merci. Bonne émission. Merci encore d'être venu. On remercie tout le monde qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Les gars, évidemment, la question. Et puis... le reste de la semaine aussi. Restez sur nos ondes. Après une pabèche en mission, il y aura La Spirale. Et puis, il y a les meilleurs moments aussi vendredi matin à 6h30 et samedi à 14h. Et puis, on va être de retour lundi à 15h. On voulait finir avec un dernier silence, juste pour être sûr de vraiment avoir notre dose de silence. Non, t'as pu en avoir encore des silences, mais je voulais juste mentionner avant pour la semaine prochaine, on se retrouve, comme d'habitude, du lundi la semaine prochaine. Mais à mentionner, tout spécial, la semaine prochaine, jeudi, on reçoit Antoine Corriveau en entrevue. Donc. Sérieux? Juste ça. Chapeau. Et on pourrait se laisser avec, évidemment, un silence malaisant. OK. Mais aussi une pièce peut-être de Pif Paf Hangover que tu pourrais nous suggérer, Stéphanie? J'aime bien Christine. OK. Christine. Pendant que Kiwan se fait encore craquer les... Ouais, j'ai entendu ça en m'en venant. C'était quelque chose. Les yeux, il se fait craquer les yeux. J'aime ça. Donc, on écoute Christine de Pif Paf Hangover et on laisse la place à Stéphanie Gagné avec une paix bêche en mission. Ça va être meilleur. Que nous. Que des silences comme ça. Non, ça, tu peux pas battre ça, par exemple. Puis du craquage de doigts et de yeux. Christine is leaving 5,000 miles away to the old continent and end the time and I wish she's ready to it's like an activity and as she skips to a guide or she's already bored away by Christine. She's a stimulation junkie. Christine can't find on earth. Oh, Christine with existential. uninterested with rough condition. Maybe it's her ADD, yeah, it's her ADD, yeah, that's